Yeah. Touche pas à ma région, c'est le 6-2 que je représente. C'est un guet-apens vocal. T'es malheureux, presse-pleur, j'ai pas de paname pourtant. J'rappe pas comme Camini, le skate sera pas commercial. T'es mal, y'a pas de gimmick dans mes vers. C'est ma vie que j'expose, le 6-2 qui m'épaule. J'oublie pas mes expos sur ce beat, on représente. Obsèque MEMA, wesh on a fait mix